Commence par t'asseoir dans une position confortable. Tu peux t'asseoir normalement sur une chaise ou t'asseoir en tailleur. Si tu sais le faire, tu peux te mettre en position de lotus ou de demi-lotus avec les jambes superposées l'une sur l'autre. Garde le dos droit de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la méditation. Maintiens bien droit le bas de ton dos grâce à tes abdominaux pendant toute la méditation. Tu peux rentrer légèrement ton ventre pour avoir une position plus droite facilement. Relâche tes épaules et penche-les légèrement vers l'avant. Rentre légèrement le menton dans le cou. Réunis tes mains au centre de ton corps, paume vers le ciel, et superpose-les l'une sur l'autre. Ferme les yeux lentement. Lors de cette méditation, nous allons toujours maintenir cette position. N'essaye pas de faire le vide ou de te déstresser. Pour cette méditation, nous allons simplement porter notre attention sur la respiration. Inspire profondément par le nez. Puis expire. Respire de plus en plus lentement. Respire de plus en plus profondément. Ressens ton ventre se gonfler quand tu inspires et se vider quand tu expires. Garde ta concentration sur ta respiration. Essaye d'avoir une respiration qui émet un son continu. Passe de l'inspiration à l'expiration de manière fluide, sans bloquer ta respiration entre les deux. Bientôt, tu n'entendras plus ma voix. Lors de cette méditation, concentre-toi sur ta respiration. Et si jamais tu cesses de penser à ta respiration et que d'autres pensées te traversent l'esprit, ce n'est pas grave. Observe-les sans les juger. Et pense à nouveau à ta respiration. Lente, profonde, continue. Lorsque tu seras déconcentré, tu pourras compter intérieurement 5 respirations pour recentrer ton attention. Si au cours de la méditation, tu penses souvent à autre chose que ta respiration, ce n'est pas grave. L'intérêt de l'exercice est justement de faire cette observation et de recentrer son attention. Maintiens une position équilibrée et immobile. Continue à respirer lentement et profondément, jusqu'à ce que tu entendes à nouveau ma voix. Tu peux maintenant ouvrir les yeux, lentement. Est-ce que tu ressens les choses différemment maintenant par rapport au début de la méditation? Continue à respirer calmement. Lors de cette journée, tu pourras te concentrer sur ta respiration à nouveau. Et ressentir le calme en toi. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de méditation avec de nouvelles instructions. Passe une très bonne journée.